oui. Adolescence douloureuse dans la galère, tu naquis décembre 96 sur Paris 13ème. Puce, coup de foudre pour un enfant d'amour. Nos parents étaient contre, mais ils parlaient à des sourds. C'était de la passion qui se cachait là-dessous. Meurtrière peut-être, parce qu'on n'avait pas de sous. On était jeunes, mineurs et sans avenir. Parti d'un petit flirt, on a fondé une famille. On rêvait naïvement de la belle vie. Y'a qu'à la naissance qu'on apprécie les métiers. Ça t'ont fait cette bêtise, je te regrette pas. Hey Kiki, c'est papa, viens dans mes bras. Pose-toi sur mes genoux que je te raconte notre histoire. J'étais avec tonton Max ce soir-là à l'hôpital. Heureux comme je sais pas qui, c'était choquant. Comme ce jour où Marthe a crié enceinte et que je suis parti en courant. Le jour se lève. J'étais content, je faisais tes biberons. J'étais ce jeune du ghetto devenu daron. Tu sais que dans ma tête ça ne tournait pas rond. J'ai fait pleurer ta mère et je lui demande pardon. Elle envoyait de jeunes mères ton rep en prison. Tes pleurs dans mes cauchemars, j'étais au bord de péter les plombs. Une enfance pas comme les autres, tu manquais de rien. T'as vu la Lisbo débarquer et ça a l'air de rien. Ta mère chagrinée frisait le désespoir, le cœur comprimé. Elle priait tous les soirs, ton père en galère, son louvre pour une écriture de fauve. Tu posais tes mains sur mon crâne pour m'inspirer la force, ton sourire était ma rage pour m'éviter de souffrir. Cassandra, c'est ta petite cousine. Veille sur elle comme Nali te protège. T'es la princesse de famille. Le jour se lève, un enfant va naître pour le bonheur d'une famille. Les jeunes parents issus des quartiers difficiles qu'assument leurs marmots, même reniés par la famille, brusqués par la vie. L'arrivée d'un nouveau-né, ça fait toujours plaisir parce qu'il y a plus d'amour à donner. Ça vient du cœur pour les parents qui se battent tout le temps. Pensez aux enfants divorcés qui s'enferment dans le silence. Adolescence meurtrie, j'ai perdu mon innocence. Avance en me cherchant, éduquant ma gosse en même temps. C'est pour les pères du ghetto qui taffent à l'usine, qui montent au bon char. Les mères sacrifiées aux âmes charitables, courage à vous. Malgré la zermire, rien que je pense à vous quand vous courbez. Les chiens, être cher. Le jour se lève, le soleil brille, un enfant vient de naître. Oui, oui, si, si. Le jour se lève, le soleil brille, un enfant vient de naître. Oui, oui. Le jour se lève, le soleil brille, un enfant vient de naître. Je t'aime, papa. Bravo! 'Bonjour à tous, je suis votre nouveau professeur d'anglais. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée scolaire. Tout d'abord, on va commencer par faire un petit tour de table. Vous allez vous présenter un par un et me dire surtout ce que vous aimeriez faire lorsque vous aurez atteint l'âge adulte. Qui veut se lancer?